J'ouvre les hostilités, j'ai rien de rien à prouver, casse-moi les chaussons. J'fais, c'est que je reviens, c'est Las Vegas, moi, c'est ma dream, c'est plein de kidnappers, faut que je la chaîne. Il faut un beurre au rencard, puis la leur comme la tienne. Je souhaite pas la réussite, connard, j'me souhaite des millions. Vous les calais en suite de nas, me souhaite des millions. On peut pas tous arriver premier, bah non, c'est bourrin. Rajoute un sucre à tous tes chiens pour faire avancer le bourrin. Je souhaite pas la réussite, connard, j'me souhaite des millions. Vous les calais en suite de nas, me souhaite des millions. N'attendez plus que rassouffle, la détache pour y civir. Si j'suis né dans le fond du cou, j'crois que c'est pas pour y finir. J'ai préparé sa sortie pendant des années, j'vais en péter, s'endetter. Chromé prendre des parts en crédit, j'vais endetter, pas le choix. Pas d'erreur à moins de finir en bus. Devant Sofiane en plus, c'est devenu tireur en bus. J'ouvre les hostilités, j'fais pas ta biche, panique pas. En mission pour mon R3 et mon charisme, clique pas. J'vais prendre un peu de peu, j'reste à la guerre, mon gros shooting. Mes palettes de phase, on risque pas faire de l'ombre au bulging. On est à l'couvre, quoi, 2006 à l'arme blanche. J'ai vacarme des clans, j'ai à l'arme blanche. J'ai pour ambition de faire de ça un souvenir. Ces jours en mission où j'voyais pas un souvenir. La galère, c'est pas la guerre, mec, à peine une bataille. J'vais le mettre à ma taille, à taille, j'arrive en pagaille. Faut pas confondre ce qu'on pas d'argent. J'en tous sur les poumons crash, j'en tous ceux qui nagent dans le bain, j'en mousse. J'annonce la grande fiesta, des fois cogné tu chronique. Ça va tirer jusqu'à plus savoir où donner du broly. J'ai que l'ouverture, hardcore, revendique le geste quand j'clôture, pas de score. Des fois nique le, réponds avec tes bras, pour ton coup de bise, reçu. Moi les mythos du rap, j'leur pisse dessus. Pas de problème de sous-puissise, avalanche en temps clair. Quatre surprises de riz, bise, l'avalanche en temps de guerre. Je souhaite pas la réussite, connard, j'me souhaite des millions. Tous les carrières en plus de nas, me souhaite des millions. On peut pas tous arriver premier. Bah non, c'est bourrin. Rajoute un sucre à tous ces chiens pour faire avancer le bourrin. Je souhaite pas la réussite, connard, j'me souhaite des millions. Vous les carrières en fuite de nas, me souhaite des millions. On est que le cœur à souffle, la détate pour y civir. Si j'suis né dans le fond du cou, j'crois que c'est pas pour y finir. L'école, c'était pas pour moi, frère. En gros, j'ai taillé. Ils voulaient m'apprendre à écrire, j'rêvais d'embrocher le cahier. On reste les mêmes frangins, affiche la même rage en tête charmante. Tous mes frères sont des principes, ont les moyens d'être charmants. Explore le nouveau monde, va libre. Et s'il y a pas de tapelas pour bosser pour un 6 gros calibré dans une favela, on aime. Suite en traite, c'est fou, j'ai pas faux pagard. Nos black boys sautés par vidéo, gars, qu'on passe au 20h. Connard, la France se sera toujours le pays qui vibre les dégâts. Sauf ce grave, puis en France qui vient rééquilibrer les débats. La galère, c'est pas la guerre, à peine une bataille. Je vais le mettre à ma taille, 2007 à taille, j'arrive en pagaille. Ils vont ramener des foires, là pour essayer de la forger. T'as foutu le rap en série, bah tu vas payer ta gorge. Sofiane, c'est le rouge victor, tu rimutiles. Toutes vos tentatives, hardcore, furent inutiles. J'annonce la grande fiesta, ne pas cogner, tu trolles. Ça va tirer jusqu'à plus savoir où donner du broly. J'ai que l'ouverture. Hardcore, revendique le geste quand je clôture, pas de score. Ne crois ni que réponds avec tes bras pour tout coup de bise reçu. Moi les mythos du rap, je leur pisse dessus. Ma problème de sous-puissise, avalanche en temps frère. Quatre surprises de riffise, avalanche en temps guerre. Je souhaite pas la réussite, connard, me souhaite des millions. Tous les carrières en plus de nas, me souhaite des millions. On va tous arriver premier, bah non c'est bourrin. Rajoute un sucre à tous tes chiens pour faire avancer le bourrin. Je souhaite pas la réussite, connard, je me souhaite des millions. Tous les carrières en plus de nas, me souhaite des millions. N'attendez que le cœur à souffle, la détate pour y finir. Si je suis né dans le fond du cou, je crois que c'est pas pour y finir. 2007 SHEN 1 1